2 mars, 8h du matin, du château du comte Orlok au pays des fantômes. C'est effroyable. J'ai du sang sur mes mains. Il y a encore du sang sur mes draps. La chose la plus effrayante. Nosferatu. Hélène, Hélène. Nosferatu le vampire. J'écris ces mots dans l'affolement, mais il faut que j'écrive. Ah, si je pouvais lire tout de suite ce que j'ai vu. Ah, si je pouvais mettre sur ce papier la vision effarante de cette nuit. Le démon, aux mains crochues, est entré par cette porte. Il s'est précipité sur moi. Il appuyait comme une ventouse sa bouche sur ma gorge, et je sentais s'enfuir mon sang, et je sentais mon sang qui quittait mon corps. La mort glissait en moi. Au secours, au secours! Je ne sais plus ce que j'écris. J'ai la fièvre. Ma tête éclate. Et je suis si faible, si faible. Il faut que je me sauve. Pourvu que le comte Orlok ne revienne pas. Pourvu que Nosferatu. Mais c'est lui, Nosferatu. C'est le comte Orlok. C'est lui, le vampire. C'est lui qui a sucé mon sang. Je n'en puis plus. Il faut que je m'évade. Hélène, Hélène, au secours! À cet endroit, le manuscrit devient absolument illisible. Jean Uther a voulu sans doute par la suite y apporter des retouches, mais il n'a jamais pu venir à bout de cette tâche, car il y a 2 pages couvertes de ratures, ce qui nous laisse penser qu'il a repris son cahier quand il éprouvait les premières atteintes de la folie. Sur la dernière page, se rapportant à cette journée du 2 mars, il y a encore, nous semble-t-il, des traces de sang. Les derniers mois sont tracés d'une main qui tremblait tellement qu'on dirait aller voir un graphique de baromètre enregistreur qui signalerait un tremblement de terre. Nous avons trouvé jointe au manuscrit cette lettre que nous publions car il nous semble présenter un très grand intérêt pour le récit. Monsieur Knock, courtier à Wisborg. Monsieur, nous logeons en ce moment dans notre auberge de Rusbach un de vos employés, Monsieur Jean Uther, qui est arrivé ici dans la nuit du 2 mars dans un tel état de faiblesse que nous avons dû le mettre au lit immédiatement et faire appeler le médecin dès le lendemain matin. Nous avons trouvé votre adresse dans ses papiers et nous n'avons pas voulu avertir sa femme par crainte de l'effrayer. Nous avions eu M. Jean Uther comme client à la fin du mois de février pour déjeuner. Nous l'avions détourné d'aller là où il allait, c'est-à-dire au pays des fantômes, car nous savons qu'aucun homme n'en revient vivant ni sain d'esprit. Malgré nos observations, M. Uther s'est obstiné dans son dessein et il s'est fait conduire en voiture jusqu'au moment où les cochers ont refusé d'aller plus loin. Que s'est-il passé dans la suite? Nous n'en savons rien, M. Uther étant absolument incapable de nous donner un renseignement. Il a l'aspect d'un démon. Il prononce des paroles incohérentes et des mots sans suite. Nous avons cru bon de vous prévenir pour que vous ne soyez pas inquiet sur son sort, au moins en ce qui concerne l'endroit où il est soigné. Car pour sa santé et sa raison, le docteur lui-même n'en peut répondre. On ne pense pas qu'il puisse être remis sur pied de toute façon avant une quinzaine de jours. M. Uther avait sur lui, au moment où il est arrivé chez nous, 60 000 couronnes en billets et 177 couronnes en pièces d'or et d'argent. Ceci afin que vous puissiez en témoigner au cas où il y aurait contestation ensuite avec la famille. Il vaut toujours mieux prendre ses précautions. Je suis, monsieur, votre très humble serviteur, signé Hübner, aubergiste à Rusbach.